É a coxinha. Miau. Mia, mia, mia. Ika ele com chatla, bas la mwen yon chata. Sexy la vi yon chata, an di kriye mwen jizon chata. Sa ka pese yo kilo, panigam. Sa bombe kontagi yo, fon y flam. Ici TikTok, ici Instagram. Pada guada, jis panam. Ine comme un fan, miten la jafan. Pas dit ça des fois, sa ka senti la van. Et j'apprend des blou, et j'apprend des balles. Direct dans le crâne, vous savez c'est la bonne. Pani cinéma, on avait pompé la panne bad man. Ni ka vrai ka check, yen ki bad man. Ou échec qui mat, pita nou kay soukri sa en bad la. Sa pa même mon boule, c'est yon badash. Chata, chata, chata, chata, chata, chata. Ou malade, ou yancé, antidote. Ou c'est miss, les premiers candidates. Ici big thing, ici on est fan. Papa même bail, on t'y phrase. Je colle quand il mort. J'abonne mon son, t'as la si batte. Toujours pressé, y'en pas qu'à bite. Je colle quand il mort. Il veut le saliver, y'en patron. Il en vie, en bail patron. Il casse, sous que ça s'en dit qu'il. Mi débat, en cas il fait y'en victime. Longtemps, manger la jacquette, cuite, cuite, cuite. Ça fait vite, vite. Iga, soukri sa senti kin. Mi débat, en cas il fait yon victime. Longtemps manger la jacquette, cuite, cuite, cuite. Ça fait vite, vite. Mia, mia, ou. Chata, chata, chata, chata, chata, chata. Mia, mia, ou. Chata, chata, chata, chata, chata, chata. Ou malade, ou yon c'est antidote. Ou c'est miss, les premiers candidates. Ici big thing, ici on est fan. Papa même bail, on t'y phrase.